L'équipe interdisciplinaire TERP du Centre de recherche sur l'espace sonore présente Les Faiseurs de bruit, un résumé bilan de la journée d'études nationale organisée en collaboration avec le CIDB, Centre d'information et de documentation sur le bruit, et qui s'est déroulée à Paris le 9 juin 1989. Ce résumé bilan fait suite à celui de la première journée d'études nationale de Grenoble, Le bruit et la plainte, en 1988, et s'inscrit dans une collection de résumés bilans audio retraçant les travaux de recherche des spécialistes de l'environnement sonore. Avant d'être des fauteurs, qui sont les faiseurs de bruit? Quelles relations entretiennent-ils avec le voisinage? Quels sont les facteurs évolutifs de leur comportement? La production sonore ordinaire, vecteur essentiel de la communication en habitat collectif, peut devenir source d'un conflit lorsqu'elle est jugée excessive par le voisinage. Faire du bruit, c'est toujours d'une certaine manière faire trop de bruit, et l'aspect normatif de cette expression suppose que le faiseur de bruit risque d'être repéré et désigné comme tel, qu'il soit conscient ou non de la gêne qu'il peut provoquer. Ce thème des faiseurs de bruit met en question la conception de l'espace domestique et de l'habitat, mais aussi une sociabilité qui relève souvent de la marginalisation. On aborde ainsi l'évolution des pratiques sociales, techniques et juridiques, évolution qui doit intéresser aussi bien le chercheur que le législateur et le praticien.